Il y a une grosse compétition de patinage de vitesse sur côte-à-piste qui se déroule à Ville-Saguenay. C'est les qualifications, en fait, nationales. Et pour en savoir davantage, on parle avec celui qui est notre collaborateur de patinage de vitesse sur courte-piste au niveau, lorsqu'il y a des compétitions un petit peu plus en dessous, c'est notre collaborateur David Simard. Salut David! Bonjour! David, parle-moi de cette compétition-là, Sanjo Vizina. Ça va servir à quoi? En fait, c'est les qualifications nationales. C'est présentement au Canada, il y a 16 patineurs qui sont déjà présélectionnés pour les sélections nationales qui sont en janvier. Okay. Après ça, cette compétition va servir, dans le fond, à sélectionner les 16 autres patineurs. Parce que pour la compétition en janvier, et on a besoin de 32 patineurs. Donc, les 16 meilleurs patineurs en fin de semaine, hommes et femmes, vont être classés pour la sélection nationale avec les Marianne Saint-Gelais, les Charles Hamelin, les Samuel Girard, Christophe Robert-Alette et compagnie. OK. Quels sont les favoris? Présentement, je te dirais que c'est assez serré dans les favoris. Chez les hommes, il y a des Marc-Olivier Lemay, Yannick Demeul de Chicoutimi, des Samuel Girard, mais c'est assez dur à dire présentement qui est favori parce que dans le niveau ce que c'est, tout le monde est pas mal assez rapproché. Okay. Je suis pas prêt à dire un favori, à dire un qui va gagner absolument. Non, je peux pas le dire, c'est assez serré. Okay. Chez les femmes, il y a des Claudia Gagnon de Chicoutimi qui est bonne, qui devrait bien se classer, mais sinon, c'est assez difficile. Okay, okay. Il y a beaucoup quand même de patineuses, il y a des patineuses de la région qui patinent aussi, là. Mais effectivement, c'est assez serré pour vous dire qui va gagner, c'est difficile à dire. Okay, pour le haut du lac, Chic Monde Tremblay, on a vu passer une photo, elle est là, de Dolbeau Mississini. Est-ce que Catherine Mailloux est là également? Est-ce que moi... Catherine Mailloux, il y a de Saint-Félicien. Après ça, Marianne Guy, et aussi, Marianne Guy et Flavie Laroche-Roy, je cherchais son nom, désolé, qui est déjà préclassée, qui s'est classée pour cette compétition-là. Présentement, en plus, aujourd'hui, on a les préliminaires des distances du 500 et du 1500 mètres. Et ça s'est très bien déroulé pour Catherine Mailloux et Maud Tremblay, qui sont toutes les deux qualifiées pour les rondes de finale. Okay. Sinon, les autres, demain matin, on fait le repêchage du 1500 mètres, savoir s'ils vont pouvoir passer dans des rondes supérieures. Okay. Pour en fin de semaine. Donc, c'est une longue compétition, elle se déroule sur 4 jours, fait que c'est quand même beaucoup. Puis aussi, une autre importance qui est pour une plus large de nos patineuses, c'est la préqualification pour les championnats canadiens juniors numéro 1 qui sont pour sélectionner l'équipe canadienne junior en Coupe du Monde qui va se passer au mois de décembre. Okay. À Calgary. À Calgary. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire dans le cas des. Et Rosalie Tremblay, là aussi, je pense? Non, elle n'est pas là. Rosalie a déjà préqualifié pour les compétitions supérieures. Ok. Oui. Donc, on va surveiller ça d'après également. Donc, c'est la première compétition qui est au Centre Georges Vizina depuis un sacré bout de temps, hein? Pas nécessairement une compétition depuis un certain temps. On en a tout le temps à chaque année. Ouais, mais une compétition avec deux comme ça, ça fait alors, ça fait quand même un certain temps. Ça fait environ depuis, je me trompe pas, 2012. Ah, oui, 2012, effectivement. Ouais. Ben, David, j'aimerais qu'on s'en reparle cette semaine, évidemment, lundi, pour faire le bilan de tout ça. Oui, parfait, pas de problème, on se rappelle, merci. David Simard, notre collaborateur de patinage de vitesse sur contre-piste, qui nous parlait de la compétition qui a eu lieu en fin de semaine au Centre Georges Vizina.